Mohammed Amin Shankati, rahmahullah, dit: il est étonnant de prétendre être musulman et de ne pas juger avec la loi d'Allah. Allah a dit: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate 5, verset 44. Adwa el-Bayen, volume 3, page 439-441. Elle dit aussi: et parmi les preuves les plus claires concernant ce sujet, et que Allah a bien indiqué dans Surat An-Nisa, son étonnement vis-à-vis des gens qui veulent se faire juger avec autre que sa loi, tout en prétendant être croyants. Et leur prétention d'être croyants en voulant demander justice chez le Tarout donne lieu à un étonnement manifeste. Et dans la parole d'Allah: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Et après les textes divins cités, il apparaît très clairement que les gens qui suivent les lois que Shaitan a légiférées par le biais de la parole de ses alliés et qui contredisent ce que Allah a légiféré par le biais de la parole de ses messagers, nul doute concernant leur mécréance et hypocrisie. Et Adwa el-Bayen, volume 4, page 82-85. Il dit aussi: donner un associé à Allah dans son jugement et puis lui donner un associé dans l'adoration ont tous deux le même sens. Il n'y a point de différence entre eux. Celui qui suit une réglementation autre que celle d'Allah et une législation autre que celle d'Allah est identique à celui qui se prosterne pour une statue ou pour une idole. Pas la moindre différence entre eux, et chacun est associateur à Allah. Voir dans la cassette audio de Shir sur l'explication du verset: ils ont pris leurs moines et rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah. Abdelrahman ibn Mohammed ibn Qasim rahmahullah dit dans son commentaire sur Kitab al-Tawhid, dans le chapitre de la parole d'Allah: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent? Quiconque témoigne la ilaha illallah et ensuite dévie afin de prendre autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge, alors il a menti dans son attestation. La signification du verset est qu'Allah a blâmé ceux qui prétendent croire en ce qu'il a fait descendre sur son messager. La signification du verset est qu'Allah a blâmé ceux qui prétendent croire en ce qu'il a fait descendre sur son messager et les prophètes avant lui. Dans le même temps, veulent régler leur litige en utilisant autre que le kitab et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa parole: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent? Est une question afin de blâmer celui qui a dévié du livre et de la sunna et désire le faux dans les autres lois. C'est ce qui est visé ici comme Tarout, comme l'a défini Ibn al-Qayyim précédemment. C'est la transgression des limites par la créature jusqu'à ce qu'elle soit adorée, suivie et obéie. Quiconque se fait juger avec une loi autre que celle d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam se fait en fait juger auprès de Tarout, lequel Allah a ordonné à ses serviteurs de le désavouer. Car le jugement ne se fait qu'avec le livre d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et auprès de ceux qui jugent avec. Quiconque se fait juger auprès d'autres a alors dépassé ses limites et est sorti de ce qu'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont décrété. Il en est de même pour celui qui adore autre qu'Allah, car il n'adore qu'un Tarout. En effet, c'est lui qui appelle au faux et l'enjolive à celui qui le commet. Cela va à l'encontre du tawhid, puisque at-tawhid est le désavouement de tout tarout adoré en dehors d'Allah. Quiconque appelle à se faire juger chez un autre qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam a délaissé et s'est détourné de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté et l'a pris comme associé à Allah dans son obéissance et est aussi allé à l'encontre de ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans ce qu'Allah a ordonné par sa parole. Non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate 4, verset 65. Concernant le verset du chapitre Sourate 4, verset 60, Allah a démenti leur prétendue croyance car il a utilisé « prétende ». On l'utilise en général à l'égard d'une personne dont la prétention est un mensonge. La parole d'Allah renforce cette prétention lorsqu'il dit « alors qu'on leur a ordonné de mécroire en lui ». Car le désavouement du Tawhid est un pilier du Tawhid. Si ce pilier est branlant, alors la personne ne peut être muwahhid, monothéiste. Toute personne ne rejetant pas At-Tawhid n'est pas croyante en Allah. At-Tawhid est la base de la foi, rendant valides les actes. Les actes sont annulés lorsque celui-ci est absent. Allah a dit, donc quiconque mécroit au rebelle, au Tawhid, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Sourate 2, verset 256. Ahmed Shakir, rahimahullah, dit, Allah nous montre son jugement vis-à-vis de ceux qui prétendent croire en son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il lui a révélé. Puis, ils veulent prendre pour juge At-Tawhid, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Il les a jugés hypocrites, car lorsqu'ils sont appelés vers ce que Allah a révélé et vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'en détournent. Et l'hypocrisie est la pire des branches de mécréance. Voir Umdatu Tafsir, volume 3, page 213. Cheikh Hamoud ibn Abdullah Twijri a dit « Et beaucoup d'individus ont dévié du fait de cette ressemblance. Soit une grande déviation, ou soit une petite, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent complètement en dehors de la religion islamique, et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah le Très-Haut. Se faire juger selon une autre loi que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'égarement le plus lointain et la plus grande hypocrisie. Allah a dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tawhid, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce que Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Sourate 4, verset 60-61. Ce furent quelques paroles des imams de l'islam montrant que le jugement du Tawhid est de la mécréance en Allah. Cela aurait été suffisant d'avoir le Ijma' rapporté par Ibn Kathir et les textes divins du livre et de la Sunna. Et dans cela, on trouve une suffisance pour celui qui cherche la guidance.